De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone et je reçois maintenant Valérie Langlois, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Bonjour Madame Langlois. Bonsoir. Alors vous êtes responsable du laboratoire d'écotoxicogénomique. C'est un bien gros mot, ça. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Écotoxicogénomique. Oui, c'est ça. Donc, mon équipe de recherche et moi, on s'intéresse à étudier les effets de la pollution sur le vivant, mais surtout les animaux. Donc, il y a des gens qui étudient la santé humaine, donc qui ont une espèce. Ouais. Tandis que moi, dans mon labo, avec mes étudiants, on a des centaines d'espèces. Fait qu'on étudie autant les poissons, les grenouilles, les reptiles, les oiseaux. On a même travaillé avec les ours polaires. Donc, on parle de contamination plastique. On entend beaucoup les microplastiques, ouais. les nanoplastiques. Les perturbateurs endocriniens. Oui, les pesticides, ouais. les produits pharmaceutiques. On pourrait en nommer plusieurs. Fait que donc, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est à savoir, bon, quel est l'impact de ces contaminants-là sur ces animaux, quel est leur effet à leur santé, ouais. leur reproduction, leur développement. Puis, on est beaucoup spécialisé sur l'ADN. Comment est-ce que ça change ouais. l'expression de leurs gènes, etc. Donc. Voilà, donc c'est pour ça écotoxicogénomique. Donc, il y a éco, l'environnement, toxico, les polluants, puis génomique, parce qu'on regarde ça à travers l'ADN environnemental. C'est quoi ça? Ben, pas seulement... Non, en fait, okay. génomique, c'est plus au niveau de toute la biologie moléculaire qu'on pourrait utiliser. Okay. Donc, autant les gènes, les protéines, etc. Mais dans les espèces, à ce moment-là, on regarde oui. donc au niveau de l'ADN, comment ça se passe dans les espèces qu'on étudie. C'est ça, à l'intérieur des espèces. Ouais. Mais mon laboratoire de recherche a, depuis peut-être 6-7 ans maintenant, développé aussi cet intérêt-là à savoir quels sont les effets de la pollution, mais au niveau des populations, donc au niveau, c'est ça, des écosystèmes. Donc, okay. par exemple, on pourrait avoir deux lacs qui sont proches, un qui est contaminé, l'autre pas. Est-ce qu'on peut, avec l'ADN environnemental qu'on va décrire dans un instant, pouvoir comprendre quel est l'état de la santé okay. de ces écosystèmes-là, mais cette fois-ci, en touchant pas du tout aux animaux. Oui, c'est ça. Donc, avec l'ADN environnemental, donc c'est quoi? C'est de l'ADN qui est dans l'environnement? Oui, absolument. Donc, c'est aussi simple que de prendre un verre d'eau dans un lac et puis de l'importer dans mon laboratoire. Puis, je vais vous dire, tous les animaux, les plantes qui vivent et dans l'eau et autour, dans l'écosystème. Il doit falloir un gros verre d'eau quand même. Ah, non. non, un demi-litre, un litre, là. Et on trouve assez d'ADN dans un litre d'eau? Oui. Ah oui? Ah oui, puis il n'y a pas juste de l'ADN d'une espèce, oui. des centaines d'espèces. Oui, absolument. C'est sûr que si on veut une approche plus rigoureuse pour un même, par exemple, lac, on va maximiser les stations d'échantillonnage. Tu sais, bon, c'est sûr que plus on a d'échantillons, mieux on va avoir de statistiques de présence, d'absence des espèces. Mais oui, on pourrait prendre juste un échantillon, puis on va avoir toute la biodiversité. Vous parlez là du lac, avec l'ADN environnemental qui est dans l'eau du lac. J'imagine qu'on peut trouver de l'ADN environnemental dans la vase au fond du lac, dans le sol alentour. Oui, absolument, même dans l'air. Dans on l'air. Peut mettre des échantillonnages dans l'air. On peut même prendre le sang des moustiques. Puis regarder qui ont piqué. Ça s'en va vraiment loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup de traces d'ADN pour être capable de dire à ce petit morceau d'ADN, c'est tel poisson ou c'est telle grenouille? Oui, bien, c'est ça. C'est vrai que c'est un code génétique qui est tellement propre à chacune des espèces qu'une fois qu'on a le code, il nous faut juste une petite section pour bien comprendre, de pouvoir identifier clairement quelle espèce a... Les méthodes sont rendues vraiment très pointues. Oui, absolument. Mais c'est ce qui nous permet là, de pouvoir justement utiliser ces approches-là pour le bien-être de la biodiversité puis la santé des écosystèmes. Qu'avant, ces méthodes-là vont être plus gardées pour la santé humaine, évidemment. Mais là, ça a été développé. Puis maintenant, bien, les prix sont plus abordables pour nous, les petits chercheurs biologistes, à pouvoir les utiliser et puis pouvoir aider justement à faire des inventaires. C'est des méthodes qui sont complémentaires aux méthodes qui sont présentement, comme votre entrevue juste avant, la télémétrie ou la capture des poissons. C'est important aussi, il faut continuer de le faire, mais ça peut être des approches qui sont complémentaires dans un cas de, bon, ben où on devrait, ou quel lac on devrait étudier en premier. Ben, on pourrait commencer par tester les 10 lacs, voir où est l'espèce d'intérêt. Puis après ça, on sait que c'est ces deux lacs-là. Donc, on peut après ça mettre plus d'efforts d'études, par exemple. Mm-hmm. C'est un petit... ouais. Mais là, donc, avec cet ADN environnemental, on est capable de dire quelle espèce de poisson ou de batracien vit dans le lac, mais est-ce qu'on est capable de voir combien il y a, par exemple, de truites, combien il y a de telles sortes de gras? Est-ce qu'on est capable de quantifier la quantité? Non, on n'est pas encore là, malheureusement. On travaille très fort à développer, c'est ça, pousser les limites de la technologie. On a un projet en cours où on regardait lorsque l'esturgeon jaune vient faire sa fraie, on pouvait voir vraiment une très belle... un bon lien, si on veut, entre la quantité d'ADN, le nombre de copies, et puis le nombre d'esturgeons, parce qu'on avait un drone qui filmait en temps réel, et puis après ça, on pouvait les compter, puis de pouvoir mettre ça en corrélé, et puis on pouvait vraiment voir que c'était... Ça fonctionnait, mais tu sais, c'est pas toujours aussi facile à pouvoir, c'est ça, le quantifier. Et est-ce que, j'imagine que c'est peut-être de la science-fiction, là, ce que je vais dire, mais est-ce que, d'après l'ADN, on est capable de dire aussi si l'espèce en question, elle est en bonne ou mauvaise santé? C'est une très bonne question, et c'est quelque chose qui s'appelle l'ARN environnemental. Ah. Et la réponse, c'est oui. Oui, donc là, il faut dire ce que c'est l'ARN, là, par rapport à l'ADN. Oui, parce que l'ADN, c'est vraiment quelque chose de stable qui va être dans toutes les cellules. C'est un peu comme, on va dire, un livre de recettes de comment faire. On va garder notre exemple de poisson. Comment faire notre poisson, cette espèce-là? Tandis que l'ARN, là, ça va être une partie de l'ADN qui va être exprimée. Donc, mettons, dans notre livre de recettes, il va y avoir une recette. On va faire une recette. Donc, la page va être photocopiée, puis elle va sortir du livre. C'est un peu ça qui se passe au niveau du noyau. On va avoir l'ARN qui va être photocopié, si on veut, une petite partie de l'ADN. Il va sortir du noyau, il va devenir une protéine, et puis là, elle va être fonctionnelle. Fait que l'ARN, ce que ça permet, plusieurs choses. C'est quelque chose, c'est une plus petite molécule. C'est une molécule qu'on sait qui est sensible. Donc, si elle est dans l'environnement, va pas durer longtemps. Ouais. Ça peut aussi nous aider à répondre à la question, est-ce que les animaux que je prends l'ADN, est-ce qu'ils sont morts ou vivants? Ouais. Hein, ça, c'est un autre affaire. Je c'est un, posais aussi c'est la un castor mort dans le fond du lac. Bon, tu sais pas si finalement il y en a, mais ils sont-ils vivants? Ouais. Fait que ça peut nous aider. C'est des nouveaux indicateurs. Et puis, au niveau de la santé, bien, on peut aussi... Il y a des gènes, donc on retourne à notre ADN puis nos livres de recettes. Il y a des recettes, si vous voulez, qui sont, lorsqu'ils sont exprimés, ça veut dire que les poissons, les animaux subissent un stress. Donc, on peut, bien, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire et dans celui de mes collègues, on essaie de trouver quels sont ces gènes-là, puis est-ce qu'on peut utiliser l'ARN environnemental, encore dans le même principe, qui sont relâchés dans les écosystèmes pour pouvoir, sans même toucher aux animaux, savoir s'ils sont en train de subir un stress. C'est ça. Donc, quand les animaux subissent un stress, il y a les gènes de stress qui se mettent en marche. Oui. Puis là, ça fait des ARN de stress pour faire les protéines qui permettent de répondre à ce stress-là. Et on trouve ces ARN de stress. Est-ce qu'on trouve les protéines aussi? Ce serait pas plus simple d'aller chercher les protéines? Oui, on pourrait aussi trouver les protéines, mais... là, c'est tout le temps une question de quel outil on utilise. Nous, on utilise des outils de séquençage. Puis là, ça va pas faire ça avec les... Ça fonctionne pas. C'est pas la même chimie pour les protéines. Il y aurait une autre façon qu'on pourrait faire, sans doute. Dans ce cas-ci, c'est vraiment... La première chose avant d'avoir des protéines, ça va être... C'est ça, l'expression de l'ADN avec le message. On appelle ça l'ARN messager. Parce que c'est vraiment le petit messager là, qui nous dit, bon, mais maintenant, je dois faire quelque chose. Il va aller tout de suite faire c'est ça, la protéine d'intérêt pour pouvoir passer à travers le stress qu'il est en train de vivre. Est-ce que vous avez des exemples concrets de projets de recherche déjà réalisés ou en cours pour nous illustrer un petit peu quelle espèce, quel lac, quel gène, je peux vous dire, là, présentement, pour ce qui est de l'ARN environnemental, c'est encore au niveau des laboratoires. Donc, on a fait des projets de recherche dans la dernière année où on a exposé différentes espèces de poissons. Là, je ne vous donnerai pas trop de détails pour ça, mais où on a exposé à des microplastiques. Ouais. Et puis un autre qu'on a exposé à des métaux. Et puis avec les métaux, on ne voyait pas de changement ni dans les profils d'ADN, d'ARN environnemental. Ça ne l'affectait pas dans ce cas-là. On avait un métal, c'était le fer. Ça n'avait pas changé le profil de transcription. Tandis que les microplastiques, eux, oui. Ça a été intéressant de voir oui, mais n'ont pas été les résultats escomptés parce que, en fait, ce qu'on pense, c'est que les microplastiques vont aussi sorber les molécules d'ADN et d'ARN dans l'environnement. Ah. Oui. Fait que donc, de... on les capte pas? Pardon? Ça les concentre, c'est ça? Oui, ça pour, on pourrait dire ça les concentre, mais ça leur permet aussi de se dégrader moins rapidement. Okay. Ah. Alors, vive la science, hein, on ouais. apprend toutes sortes de choses. Okay. Donc, ben, c'est ce qu'on a pu voir, là, constater là, dans les travaux là, que nous sommes okay. en train de publier okay. Présentement. Mais si on s'en va dans la nature, c'est sûr que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de prendre plutôt, tu sais, OK, on a pris le poisson, mais juste le mucus, tu sais, l'espèce de glu quand vous prenez ouais. un poisson, mmh, là, puis là, vous l'échappez quand vous pêchez. Ouais, ouais. Bon, mais ça, on peut juste prendre un petit échantillon de ça, puis de prendre, de tout faire, le séquençage de toutes les ARN pour voir tout qu'est-ce qui se passe au niveau de du transcriptome au complet après une contamination quelconque. Mm-hmm. Okay. Mais là, on n'est pas comme... On est un peu dans la limite entre être ouais. dans l'animal et être à l'extérieur de l'animal. Oui, c'est là. Ça. Parce mm-hmm. que je me dis, il y a peut-être des parasites sur ce mucus-là du poisson. Donc, on va aller récolter l'ARN, l'ADN de ces bactéries qui sont collées sur lui. Oui, mais sachez qu'on va bien séparer ouais, toutes les séquences. Là, on va peut avoir... les identifier, oui. c'est ça. Et puis, on parle beaucoup d'ADN environnemental, mais quand on va dans... On revient à notre échantillon de verre d'eau, on peut s'intéresser à une espèce à ouais. la fois. Mm-hmm. On parlait tantôt du... J'oublie. L'homme chevalier. Ouais, excusez, merci. L'homme chevalier. Fait qu'on pourrait juste faire des tests pour cette espèce-là. Ou on fait une autre méthodologie qui s'appelle le metabarcoding, qui nous permet de tout ah, séquencer ouais. l'échantillon d'eau. Puis on va voir les bactéries, les champignons, mmh, les okay. plantes, mmh. Jusqu'aux grands mammifères là, qui sont présents dans l'écosystème. Mmh. Fait qu'on, là, on va tout avoir. Ça serait possible de le faire pour des espèces invasives, par oui, exemple? Oui, absolument. Ouais. On a bâti là, des kits aussi là, okay. qui sont spécifiques là, aux espèces invasives, mmh. aux espèces aussi à risque d'extinction. Mmh. D'extinction. Toutes sortes d'espèces qui sont d'intérêt pour les Premières Nations, les Inuits. Fait qu'on a vraiment... Mmh. Parce que c'est sûr, quand on va une espèce à la fois, les résultats sont plus probants. On est plus certain, si on veut, que l'espèce soit là, que lorsqu'on fait là, vraiment tout le séquençage de toute la ouais. population, si on veut, dans un échantillon d'eau, là, on a un peu moins confiance aux résultats. Alors Valérie, si je vous invite aujourd'hui, c'est pas juste pour entendre parler de ces nouvelles technologies quand même un peu folles sur l'ADN environnemental, mais c'est parce qu'aujourd'hui est lancée la table sur l'ADN environnemental du Québec et vous êtes à l'initiative de cette table. Alors c'est quoi cette table? Pourquoi on a eu besoin de faire une table sur l'ADN environnemental? Très bonne question. Vous savez, ça fait presque 5 ans maintenant que je travaille sur un projet de recherche pan-canadien qui s'appelle iTrack DNA. Et puis on est plusieurs partenaires, on a des partenaires autochtones, privés, des gouvernements, différents paliers, etc. Puis on s'est vraiment rendu compte, c'est sur l'ADN environnemental, que les gens, autres que les universités ou certains chercheurs dans les gouvernements, ouais. ne connaissent pas l'ADN environnemental, ne savent pas comment ils pourraient l'utiliser, comment ça pourrait leur être utile. Donc, on voit vraiment qu'il y a un besoin de communiquer l'importance de l'ADN environnemental, mmh. cet outil-là qui va vraiment révolutionner la biodiversité. On parle beaucoup de COP15, COP16 avec les déclins de biodiversité. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est une des façons, un des outils dans notre boîte à outils pour pouvoir, c'est ça, faire le suivi mieux, de plus en plus. Là. Pour mieux connaître l'état des écosystèmes, l'état de santé des écosystèmes, ou avoir un portrait. Mmh. C'est ça. Donc, pour revenir à l'attaque, l'attaque, c'est la table. C'est la table de l'ADN environnemental pour le Québec. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, nous, le Québec, est-ce qu'on est prêt à recevoir ces technologies-là? La sortir des universités, la sortir des spécialistes, là, des laboratoires des spécialistes, est-ce qu'on est prêt? Si oui, quels sont les vrais protocoles à suivre? Qui vont être les utilisateurs de données? Qui vont être les services? Est-ce qu'on a assez de services? Parce que si toutes les municipalités québécoises décident de dire, hey, moi, ça m'intéresse, je voudrais savoir ma biodiversité sur mon territoire, ben, on a-tu assez de laboratoires pour faire le séquençage mm-hmm. ou pour s'intéresser à tout ça? Donc, c'est vraiment dans cette idée-là que est venu le besoin de créer cette table qui est à la fois une table de réflexion pour s'interroger sur dans les dans les deux prochaines années, on est en train d'écrire un document sur la vision de la table de l'ADN environnemental pour le Québec. Où on en est, qu'est-ce qui manque, où on s'en va. Mais en même temps, c'est une plateforme où les gens peuvent être informés autant à qu'est-ce que c'est, aussi simple que c'est quoi l'ADN environnemental, mais aussi ça m'intéresse, c'est où je peux avoir une formation. Ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps. Je voudrais que quelqu'un aille prendre mes échantillons puis les analyse. Cette table va pouvoir offrir des services, parce que vous parlez des municipalités peut-être qui veulent connaître, je sais pas, l'état de santé de la rivière qui traverse leur ville ou village, mais c'est pas eux qui vont faire les analyses. Non, exactement. Sauf que sachez que présentement, il y a plein de services au Québec. Il y en a plein des soit privés ou encore dans les universités ou Génome Québec, par exemple, qui peuvent offrir ce service, mais gens ne savent pas. Donc, on veut un peu faire le maillage entre les divers paliers de la société, là. Les citoyens, les OBNL. Organismes de bassin versant, est-ce que ça absolument. Ça va les intéresser? Oui, les Premières Nations, les gouvernements, l'industrie privée. Fait qu'autant on a un volet membre utilisateur de la technologie, puis un autre volet membre qui vont offrir des services. Fait comme ça, les gens vont comme un peu pouvoir savoir où trouver de l'information. Fait que nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est un peu comme une espèce de bottin, un bottin téléphonique, où on pourrait, on va pouvoir rassembler toute cette information-là. Mais quand même continuer d'améliorer tout ça, puis d'avoir une réflexion sur cette technologie-là, où jusqu'à où on voudrait pousser ça pour le Québec. Mais sachez qu'une initiative comme ça, c'est la première là, au monde. J'ai plein de collègues qui me disent, mon Dieu, vous êtes chanceux, on aimerait savoir ça. Fait que, tu sais, on est vraiment visionnaire pour ce qui est de l'ADN environnemental au Québec. On est, puis au Canada, on est dans les premiers à avoir créé des normes pour comment faire l'analyse de l'ADN environnemental. On a été les premiers à faire celle-ci. Je veux pas aller trop loin dans les détails, mais il y a certaines méthodologies qu'on doit utiliser. Fait qu'on a été les premiers au monde à lister, voici le protocole à utiliser. Okay. Fait que là, mais maintenant, ça va à des paliers internationaux, etc. Fait que là, il y a vraiment une grosse mouvance partout au monde à embrasser, c'est de l'anglicisme, un anglicisme mauvais, mais excusez, à vouloir utiliser l'ADN environnemental. Pour que tout le monde utilise un peu les mêmes protocoles, les mêmes façons de faire, et qu'on puisse comparer que si on a tel résultat dans un lac ou telle rivière et qu'on l'observe ailleurs, c'est la même chose ou pas. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dans ma tête qu'il faut que les données qu'on reçoive soient d'une qualité assez grande pour être capable de débattre en cours de la présence ou l'absence. Voilà. Oui, c'est important. On parle de braconnage, on parle de commerce international, de transport d'espèces invasives, ça peut aller loin, l'utilisation. Des sujets qui peuvent aller en cours. Oui, donc il faut s'assurer que la méthodologie, elle fonctionne, on puisse lui faire confiance. D'où l'importance de se mettre ensemble, de se questionner, d'améliorer les protocoles, de faire des normes. Puis on s'en va faire, je suis présentement sur un groupe pour faire une norme ISO, là, si vous connaissez un peu les normes ISO. Donc, c'est important. Mais est-ce que c'est comme dans les affaires judiciaires, quand on veut identifier des coupables avec de l'ADN, là, vous me dites, on va en cours avec ces données-là? Oui, mais la criminalistique environnementale, c'est quelque chose qui existe. C'est ça, en fait, je lisais là dans le communiqué, la table doit soutenir le développement et l'application des normes. Je me disais, mais de quelles normes on parle? Des normes sur l'utilisation de l'ADN environnemental. Oui, c'est ça, absolument. C'est juste, j'étais curieux, une question peut-être un peu champ gauche, là. Je me demandais, est-ce qu'on peut trouver des choses qu'on ne cherche pas avec cette méthode-là? Oui, absolument. C'est ça, il y a différentes approches, mais si on fait le séquençage de tout ce qu'il y a, si on trouve des espèces invasives avant même qu'il ait envahi un lac, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il y en a peut-être juste un qui a passé, ou l'ADN, parce que dépendamment de le courant, il va de quel côté, ça s'en vient. Fait qu'on pourrait peut-être faire des barrages, mais des barrières, de toutes sortes de trucs. Fait que oui, on va sans doute découvrir des choses qu'on pense pas découvrir, là. Oui, est-ce qu'il est prévu de faire une sorte de base de données pour pouvoir compiler, ben, pas compiler, mais stocker un petit peu tout ce qui va être, toutes les observations qui vont être faites à travers les différents écosystèmes du Québec? Sachez que c'est déjà des choses que plusieurs font. Okay. Donc, on ne veut pas répéter ce que les gens font. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner des liens. Ah, pour les poissons, regardez tel endroit. Pour les plantes, t'sais. On ne veut pas refaire ce que les gens font déjà. Fait qu'on va référer les gens aux références. T'sais. Mais on ne peut pas mettre ça. Mais d'un autre côté aussi, il faut comprendre que l'ADN environnemental, ça devient une donnée si on va sur les territoires autochtones, inuits. Ben, je veux dire, c'est privé aussi, là. Ils veulent peut-être pas nous dire où ce que, quelle espèce ils ont sur leur territoire, puis ils ont le droit. Donc, il y a plusieurs données comme ça que... Puis là, je parle d'eux, mais je veux dire, il y a plein de terrains privés ou je sais pas, à travers le Québec, le Canada, que les gens, ils veulent pas nécessairement dire où sont, je sais pas, leur territoire de chasse. Parce qu'on peut trouver les orignaux. je pense, mettons, à des espèces menacées ou quoi que ce soit. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui voudrait... Il veut faire un développement ou quelque chose, puis là, il voudrait pas, par exemple, que les gens le sachent, ben là, avec un... Non, mais ça, c'est très bien, c'est une bonne question, puis ça, c'est une des raisons pourquoi les kits ou la façon qu'on fait doit être vraiment impeccable, parce que des gens mal intentionnés pourraient dire, ah, ben, parce que la façon qu'il fait, il sait qu'il ne fonctionne pas bien, puis il va dire, il va l'essayer, il va dire, ben non, ça fonctionne pas, il y en a pas. Donc, il faut s'assurer que ce soit des protocoles qui sont validés, qui sont utilisés. Sinon, c'est facile de trouver rien quand on veut rien trouver. Alors, il faut... C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi au niveau de la contamination chimique aussi. Hein, fait que c'est... Je veux dire, il y a beaucoup de liens à faire avec juste... c'est ça, l'écotoxicologie en général. Parce que je me disais, avec une banque de données qui nous montrerait un petit peu les données ici et droit, ça permettrait d'avoir une carte du Québec pour voir éventuellement le déplacement d'une espèce invasive, c'est dans tel lac, ça arrive à tel endroit, ou l'impact d'une pollution sur une espèce, ben, ça va arriver là aussi. Mais c'est ça, comme je disais, sachez qu'il y en a plein qui existent. Si vous allez, il y en a une qui s'appelle l'Atlas de l'eau, qui est gérée par le ministère de l'Environnement du Québec. Et puis, ben là, on peut voir, c'est ça, peut-être plus au niveau de la chimie, de partout au Québec, quelle est la chimie, le pH, la température, j'oublie leur métrique, mais on est en pour parler avec eux pour savoir si des données d'ADN environnemental pourraient être aussi ajoutées à leur base de données. Mais eux en ont fait, mais d'autres aussi en ont fait. Fait qu'à un moment, on veut pas juste répéter ce que déjà les gens montrent, là. Fait que parce que tout ça, vous savez, là, ces bases de données-là, ça prend, c'est de la pollution aussi. Oui, c'est fait qu'on va pas essayer de... On va essayer de minimiser nos apports. Ben, c'est vraiment fascinant, je trouve, d'entendre parler d'ADN environnemental. Éventuellement, il faudrait venir nous en reparler sur un sujet peut-être plus précis. Peut-être. Ben oui, ben j'ai plein d'étudiants en thèse là, qui ont plein de sujets, là, si vous voulez, je vous en envoie. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup, Valérie, de nous avoir initié à ce mystérieux ADN environnemental. Ça me fait plaisir. Je rappelle que Valérie Langlois est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique.